Exercice d'endurcissement du corps. Grand-mère nous frappe souvent, avec ses mains osseuses, avec un balai ou un torchon mouillé. Elle nous tire par les oreilles, elle nous empoigne par les cheveux. D'autres gens nous donnent aussi des gifles et des coups de pied. Nous ne savons même pas pourquoi. Les coups font mal, ils nous font pleurer. Les chutes, les écorchures, les coupures, le travail, le froid et la chaleur sont également cause de souffrance. Nous décidons d'endurcir notre corps pour pouvoir supporter la douleur sans pleurer. Nous commençons par nous donner l'un à l'autre des gifles, puis des coups de poing. Voyant notre visage tuméfié, grand-mère demande « Qui vous a fait ça? » Nous-mêmes, grand-mère. Vous vous êtes battu? Pourquoi? Pour rien, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un exercice. Un exercice? Vous êtes complètement cinglé. Enfin, si ça vous amuse. Nous sommes nus. Nous nous frappons l'un de l'autre avec une ceinture. Nous disons à chaque coup, ça ne fait pas mal. Nous frappons plus fort, de plus en plus fort. Nous passons nos mains au-dessus d'une flamme. Nous entaillons notre cuisse, notre bras, notre poitrine avec un couteau et nous versons de l'alcool sur nos blessures. Nous disons chaque fois, ça ne fait pas mal. Au bout d'un certain temps, nous ne sentons effectivement plus rien. C'est quelqu'un d'autre qui a mal. C'est quelqu'un d'autre qui se brûle, qui se coupe, qui souffre. Nous ne pleurons plus. Quand grand-mère est fâchée et qu'elle crie, nous lui disons, cessez de crier, grand-mère, frappez plutôt. Quand elle nous frappe, nous lui disons, encore, grand-mère, regardez, nous tendons l'autre joue, comme c'est écrit dans la Bible. Frappez aussi l'autre joue, grand-mère. Elle répond, que le diable vous emporte avec votre Bible et avec vos joues.